La Hescousse entreprise. Ah, BIS 2012. Arafat, la rafale en pleine Gay Pride. BIS, ok. Le secteur, un caillou de crack, où les dealers font des punchlines. Le commissaire pète un bleu gars, même les villes s'y deviennent un peu schlag. Si je te vis serre, je te connais pas, je reste sûrement capuché. Tiens le sachet, chiffote pas, tout est pesé, t'as qu'à piocher. Moi c'est Abis, pas Habibi, dans mon JK, rien que ça bibi. Ça va sauter comme la Libye, je paye le bob pour la Libye. Je veux que spoucave, mais barre ta race, remballe ton cigare par ta gasse. Espèce de garçon, tu fumes un star, après Kebra, si barre ta barre. Je suis le genre d'arabe qui garde sa barbe. Loin des soirées mondaines, tu baisses la garde, on le baisse ta race. Paname, c'est pas que l'avenue montaigne entre victime et prédateur. Pas le temps de faire l'acteur, surveille ta sœur. Elle se fait claquer la chatte une fois sortie d'after. Des braqueurs sont calibrés, en espérant la vie de blindée. Les mecs loin de tête quittent le quartier, investissant des vies teintées. Faut pas conseil, ne fais pas le fou. Même si tes potes te regardent, une paire de couilles ça s'achète pas. Mais pour tout le reste, un Mastercard. Une vie de ouf, y'a rien terrible. Vendeur de schnouf, vend l'intérim. On traîne à 12, Veskin et Blues, révendu flou, ça John Terry. Tous témoins de GAV. Ça fait longtemps que ça a l'air cuit. J'fais pas de slow, j'rappe le pavé, litre au citron, schlag et air cuit. À faire le dingue, à trop parler, les flingues te coupent la parole. Surveille tes potes car ton ennemi fait graille la bouffe de ta daronne. On se fait péter en moins de 8 heures. Sur place, personne ne fuit. La rue, c'est pas Twitter, ou à l'accent cache, personne te suit. La rue m'a rendu macro, les bitches leur fais pas d'oca. Les auditeurs deviennent accro, j'écris sur une feuille de coca. La rue m'a rendu macro, la rue m'a rendu macro, la rue m'a rendu macro, la rue m'a rendu macro, la rue m'a rendu macro. Les bitches leur fais pas d'oca, les auditeurs deviennent accro, j'écris sur une feuille de coca. La rue m'a rendu macro, la rue m'a rendu macro, la rue m'a rendu macro, la rue m'a rendu macro. Beaucoup seraient prêts à vendre un rein. Parce que la crise les touche, y'a plus de marquage sur le terrain. Trop sniffé la ligne de touche. Y'a des quêtes pleins de Ketama, des grosses qui se perdent Deltama. Des comparutions immédiates, des apparitions devant le combat. Quand ça picole, là ça rigole. Si on se voit pas, c'est que ça bricole. Un petit m'a dit, j'arrête l'école, j'filoche le crédit agricole. Histoire de bif et de carénage, on mise nos vies comme à Vegas. Wesh mon ref, pourquoi tu bluffes? Ici personne, un carré d'art. Une pierre de go et j'flaire le coup. Tout l'argent, j'en perds beaucoup. Dans nos ghettos, c'est une pierre de coups. Faut un cerveau et une paire de couilles. T'as fait 10 ans de placard. Y aura personne à ta sortie. Là où j'habite, même MacGyver aurait du mal à s'en sortir. T'es averti comme dit Bison. Faudrait plus qu'on résiste. On n'a pas de médecin traitant. On foncera tout droit chez les Gilles. J'mélange le chanvre aux garçons. C'est pareil qu'ensemble on s'assise. J'préfère un vieil hôtel de merde qu'une putain de chambre aux assises. C'est pas une chance, on s'assise. Moi j'suis pas sûr de péter les charges. Et si les stars veulent me péter, c'est que mon CD tu le télécharges. PD dans nos ghettos, t'as beau ramener Kofi Annan. On baisse l'ONU, le dos au mur. J'ai char comme un Kofi Annan. Et plus le temps passe, c'est ça empire, frère. T'as pas suivi le me fil. Dans mon empire, tous mes vampires souhaitent faire tapiner Buffy. On veut embellir nos vies. Avant de crever d'une pandémie, sous mon préau, pas de champ béni, que des fléaux de l'an 2000. La rue m'a rendu macro, les bitches leur fais pas d'oca. Les auditeurs deviennent accro, j'écris sur une feuille de coca. La rue m'a rendu macro, la rue m'a rendu macro, la rue m'a rendu macro, la rue m'a rendu macro, la rue m'a rendu macro. Les bitches leur fais pas d'oca. Les auditeurs deviennent accro, j'écris sur une feuille de coca. La rue m'a rendu macro, la rue m'a rendu macro, la rue m'a rendu macro, la rue m'a rendu macro, la rue m'a rendu macro. Les bitches leur fais pas d'oca. Les auditeurs deviennent accro, j'écris sur une feuille de coca. La rue m'a rendu macro, la rue m'a rendu macro, la rue m'a rendu macro, la rue m'a rendu macro. Abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis,